Bonsoir, c'est Progapart, l'émission du rock progressif. Wonder you ever felt the need for rain, mild revenge. Free from knots of doubt, moved still too close to the edge. Thoughts they all twirl around me like my raincoat in the wind. A flare for the dramatic traps the storm power in a ring. We'll be right back. rise again up from the tomb, like the fragile sprout in twilight's gloom. Into the world unfold, ancestral gold, the line of blood. A web stretched out so long ago. Brightens my heart. peace in solitude forever. Until I am stirred from my nest like a bird and soar into the world once again. Gently dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, by warm winds caressed and enclosed in Je trouve que vous êtes gâté. Un long morceau du nouvel album de Wobbler, W-O-2-B-L-E-R. Oui, les Norvégiens reviennent en force avec un album intitulé From Silence to Somewhere. Voilà, et avant, vous étiez gâté également avec Acqua Fragile. Et oui, les Italiens des 70s sont de retour avec un nouvel album intitulé A New Chant, chant comme un chant. Voilà, pour démarrer cette émission de décembre, on aura affaire comme l'émission de novembre avec des seconds couteaux, mais des couteaux bien aiguisés, vous allez voir, il y a de quoi se régaler. Après l'Italie, après la Norvège, on reste en Norvège avec un groupe intitulé When Mary, quand Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Tainted, elle est teintée, elle se colore les cheveux, tainted, et c'est tout juste sorti du four. Tout de suite, When Mary. Just We'll be right back. C'est marrant, dit-il, la chanteuse de When Mary me rappelle étrangement la chanteuse de White Willow, c'est normal. Trude, je vais l'appeler juste par son prénom parce que j'ai peur de massacrer son famille. Trude, effectivement, la chanteuse de When Mary était dans White Willow. On passe de la Norvège, on fait un grand pas, oh, pas tant que ça finalement, puisqu'on atterrit en Pologne avec un Maroc. Alors un Maroc, ça n'a rien à voir avec l'album de Michael Field, ça n'a rien à voir avec le groupe espagnol. C'est un groupe polonais et voici, je crois, leur quatrième album qui s'intitule Hunt, la chasse. Tout de suite, un Maroc. Thank you. can question the delusion when so many minds agree? Watch the rough beast as it slouches, dragging banners of the free. They're free. When the blue lights come calling, all the world will follow me. I'm a jester of this kingdom. Just follow me. Wait and see. Inside my veins. On continue notre voyage en Europe. Un petit bond au-dessus de la mer du Nord pour atterrir en Angleterre avec, je le souligne deux fois, le disque du mois à mon sens. Il s'agit du groupe britannique Band of Rain, le groupe de la pluie. Un album intitulé The Dust of Stars, la poussière des étoiles. Et il est à l'image de la poésie du titre. Tout de suite, Band of Rain. We'll be right back. Délicieusement acidulé, comme du early Pink Floyd époque Syd Barrett ou proche des Beatles Sgt. Pepper's, ou même plus récemment de Steven Wilson. Tiens, vous l'avez vu, il est passé à Taratata. Est-ce que le progressif va sortir enfin de sa cage dorée? Voilà, ça fait du bien. On passe à des choses encore un peu plus bizarres. Double album d'un groupe anglais, on reste toujours en Angleterre, un orchestre de l'atmosphère, tout là-haut, là-haut, là-haut, comme le film, hein, Au revoir là-haut, qui est d'ailleurs superbe, fin de la parenthèse, Orchestra of the Upper Atmosphere, Orchestra of the Upper Atmosphere, un double album intitulé Omega 3, un petit clin d'œil bien sympathique, et je vous propose un extrait. Thank you. un petit côté King Crimson, cet orchestra of the upper atmosphere. On traverse la Manche, continue notre voyage avec le nouvel album des Français, il faut le deviner, de The Black Noodle Project. Et oui, derrière ce nom à consonance british se cache un groupe français talentueux, The Black Noodle Project. Et leur nouvel album s'intitule Divided We Fall. Divisés, nous tombons. Nous tombons parce que nous sommes divisés. The Black Noodle Project. The Black Noodle Project, Divided We Fall. Les Français ont signé, chose remarquable, sur le label allemand Progressive Promotion Records, qui produit de très très beaux disques. La preuve, celui qui suit vient aussi de l'écurie Progressive Promotions Records. Un groupe intitulé Clouds Can. Les nuages peuvent, mais en fait... Et pas pleuve, hein, peuvent, du verbe pouvoir. En fait, derrière ce nom se cache T, ou T si vous préférez, ce musicien prolifique allemand, qui nous revient avec un album toujours signé de sa patte floydienne, Live. Voilà, c'est allemand, vous l'aurez compris, c'est toujours sur le même label, et c'est toujours sur Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. Yeah.

do our best to understand the meaning of Atlantropan. We all dream of new and young. We celebrate and hope you'll come. Let's swear the oath and raise our hands. We all will be Atlantropans. Ils sont allemands et bien naturellement, ils ont signé sur toujours ce même label bien sympathique, Progressive Promotion Records. Qui ils, puisqu'ils sont plusieurs, c'est à mon sens un duo. Le titre de l'album et le titre du groupe, le nom du groupe, c'est Atlantropa. Atlantropa, Atlantropa, Atlantropa Project. Atlantropa Project, voilà, c'est un concept album, un opéra rock de belle facture. Ah, que je suis content, dit-il, non pas d'être soldat, mais d'avoir eu cette réédition par nos amis britanniques d'Ésotérique, vous savez, qui sont spécialisés dans les rééditions des chefs-d'œuvre du passé. Je disais, content de cette édition de Second Hand, deuxième main, occasion ça veut dire aussi, Second Hand, un groupe et un album de 71 que m'avait fait découvrir mon ami Jacques Tony. Je lui fais un petit coucou là, je pense qu'il écoute l'émission dans son Var natal, un album intitulé Death Maybe You're Santa Claus. Je ne l'ai pas fait exprès, mais effectivement, c'est lié à Noël qui arrive. La mort peut être ton Père Noël. C'est un peu morbide, mais c'est superbe car on a des mélotrons à foison. Ça rappelle le meilleur King Crimson. Voilà, j'ai fait tout dans la sonorité. Je vous laisse tout de suite avec Second Hand. Understand, love if you can, it may be your Santa Claus, it has been others, it could be your Et je vous l'avais dit, très proche de King Crimson, ça date de 71 et c'est britannique. Une toute petite revue de presse avec Cocorico, le programme du prochain Acid Dragon numéro 71 à sortir fin du mois, fin décembre, avec une interview du groupe français talentueux Coda, interview d'un autre groupe français talentueux Exode, en deux mots, rien à voir avec Exode, avec une story et surtout une interview exclusive de Gentle Giant, et oui, merci Christian, avec aussi un article sur Quantum Fante, sur Tremendo Futuro, et j'en passe et des meilleurs, voilà de quoi s'en mettre plein les yeux et ensuite les oreilles. Acid Dragon numéro 71, 3,50€ et pour les abonnés, un sampler comme on dit en français, c'est-à-dire une compilation gratuite. Voilà, on termine tout doucement avec quelque chose qui était passé mystérieusement à travers les filets de Progabar et d'Acid Dragon. Mangrove, c'est un groupe hollandais. J'ai retrouvé cette petite pépite intitulée Beyond Reality, au-delà de la réalité. C'est donc hollandais, vous l'avez compris. C'est de 2009 et le groupe s'intitule Mangrove. Join this heart of mine, I will serve. sides of the mirror now, and we know our faces well. And your vow that you will leave me anyhow, you know we are joined as one. Listen, friend, there's no one who will comprehend this escape from who we are. Apart, we aren't complete by far. All I see is a face beyond reality. How I'd like. Pourquoi tu rentres si vite? C'est parce que je veux pas rater Prog à part, l'émission du rock progressif. Eh bien, je suis désolé, Marcel, mais c'est raté. L'émission touche à sa fin. Vous la retrouverez très très rapidement en podcast sur le site d'Acide Dragon, acide-dragon.eu, comme d'habitude. Hein, vous la retrouvez en podcast ainsi que les émissions précédentes. Voilà, en qualité HQ, haute qualité, le son pris dans le studio. Qualité prise dans le studio. Vous retrouverez également Acide Dragon, donc comme je le disais, en fin de mois de décembre. Voilà pour les petits rendez-vous. Et puis, pour nous, eh bien, l'émission de janvier aura lieu, non pas le 1er, à mon avis, je ne serai pas du tout en état de faire une émission. Elle aura lieu le 8, lundi 8 qui suit, que 20, comme on dit à Lyon. Voilà, et donc, eh bien, suivant l'expression lyonnaise, bon boudin. Tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes. Dans la pluie. Il est temps de mourir. Bon boulot. Vous arrivez à la fin. J'ai fini. Dommage qu'elles doivent mourir. Mais c'est notre lot à tous. Voilà, la porte se referme sur cette émission. C'est cette émission de décembre avec un petit clin d'œil à Blade Runner et la sublime musique de Vangelis. Je vous quitte. C'était Proc à part, une émission proposée, réalisée par Thierry Sportouche. Un petit clin d'œil, un petit soutien, un petit bisou avec beaucoup de tendresse pour mon ami Alain. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. tie, creep through the night, so bad.